Et alors, mon grand-père Labère avait fondé un prix pour qu'on donne tous les ans à celui qui avait le mieux travaillé. Je crois qu'à ce moment-là, c'était énorme pour le moment. C'était un prix de 500 francs.